qui m'apprête à traverser l'océan pour le péril d'une étreinte. Je révélerai la tragédie de Léandre, comme le savent les amants qui ont tout risqué. Oui, chaque poète chante Léandre, dont le zèle surpassa son endurance. Il traversait l'Hellespont la nuit pour rejoindre les bras d'Héros. Une torche était son phare jusqu'à ce que l'orage éclata. Égaré, il dévia et se noya. À l'aube, on trouva son corps sur le rivage. Quant à moi, âme fragile, devant la promesse de ton étreinte, je me noie déjà dans des nuits sans sommeil, prélude de ceux qui succombent. Pour toi, ma torche ne s'éteint pas. Mes soirées me jettent dans un océan, fouetté par la tempête, mon angoisse. Sans plage où ma bien-aimée m'accueille.